Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il attend toi? Qu'est-ce qu'il dit là?